ce monde où je sens pendant quelques secondes, refusant de répondre à la vie par le cri, la douleur de dire oui. J'ai pris le train en marche, comme des milliers d'âmes avant moi, des gentils, des forts, des lâches, et moi j'étais là, j'étais qui ? Dans ma tête tout se bouscule, j'ai l'impression de vivre dans une bulle. Je vois bien ce qui se passe, mais toute cette misère me dépasse. Je suis juste une personne comme toi, une âme à aimer, à vivre, à souffrir. Je suis juste une personne comme ça. Je me perds dans mes soupirs, je cherche tes pas. J'ai croisé sur ma route tant de personnes dans le doute, tant d'invalides de la vie cherchant en moi une béquille. Je suis juste une personne comme toi. Je suis juste une personne comme ça. J'ai toujours tendu mon bras, donné sans pitié, je crois. Certains sont toujours dans le calcul, ça c'est la vie pour les nuls qui cherchent toujours à gagner mais finissent par se perdre et crever. Je suis juste une personne comme toi, une âme à aimer, à vivre, à souffrir. Je suis juste une personne comme ça. Je me perds dans mes souvenirs. Je cherche tes pas. Je suis juste une personne comme toi. Te voilà. Je suis juste une personne comme ça. Te voilà. Je suis juste une personne comme toi. Je suis juste une personne comme ça. Te voilà. Je cherche tes pas. Je cherche tes pas. Te voilà, juste une personne comme